Paris est une grande ville. Une ville est divisée en quartiers. On distingue le centre-ville, la banlieue. Pour aller d'un endroit ou d'un lieu à un autre, on utilise une rue, une avenue, un boulevard, un pont, un carrefour ou un croisement, un quai, un trottoir, un passage piéton. Il y a aussi des espaces publics, par exemple, une place, un parc, un jardin public, une rivière. Des bâtiments. Les bâtiments où vivent les gens s'appellent des immeubles. Les bâtiments administratifs sont, par exemple, la mairie, la poste, un commissariat ou commissariat de police, un hôpital, une gare. D'autres lieux, éducatifs, culturels et sportifs, une bibliothèque, une école, un lycée, un musée, un cinéma, un théâtre, un stade, une piscine. Des lieux commerciaux, par exemple, un magasin ou une boutique, un marché, un supermarché, un centre commercial, un kiosque à journaux, une banque, une pharmacie, une boulangerie, un café, un restaurant. Des lieux religieux, par exemple, une église, une cathédrale, une mosquée, une synagogue. Des objets comme un feu rouge ou une cabine téléphonique.